Hit me, away, baby, away. One more time. Left cam. My ears. Janina. Okay, fácil. Eu disse aqui. Janina, te parece. Ok. J'ai moins d'un believe. Je t'apporte. Je pars. Allez. Janine, tu parles de Yo, John Lackey.